C'est plus quoi je sais pas, c'est pour nous traquer, qui croit qu'on le sait pas. Hara money dans la sève, j'arrive des quartiers les plus chauds de la savane. Nara ta savane stano, j'vais tous les savants stanner. Armani Ferragamo, le rabais est soigné. Young and rich, young and rich, j'veux le dump du démon comme Peach. J'ai fait le tour de leur bis, j'ai fait le tour de ces nasty bitches. Je gâte sans le mou, oh my god, elle est trop debout, mais trop calme. Je la prends debout dans les shots, je l'emmènerai ma part au resto. Wow, son envie bitch, pensez tout ce que t'es un snitch. Yeah, tu parles au hnash, t'as vendu la mèche, on va te make a meal. Yeah, t'en as vu bitch, pensez tout ce que t'es un snitch. Ouais, ouais, tu manges avec nous, tu vomis tout chez la police. Ouais, ouais. Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya. BDP pas le charron, t'as toi de pigeonne. Même si tu racontes que des mythos, comme à l'ordre de pigeonne. Dans le fond du bloc, mais Harvey Ménégo, galoche Marie-Jeanne. J'suis abonné, ouais, j'suis abonné. Parce que j'dis la vérité, j'suis pas abonné. Faut que ta police, ouais, faut ta police. Et tous ces politiques comme Marie qui nous produit. Yeah. H24, tu le renté, mais pas pour percer dans le foot. 9 mm fréquenté, on fait des trucs de fou. Génération raciste, mes printemps arabes, oh hey yeah. Génération pour des pesos, te nique ta race, oh yeah. Et le juge nous condamne pour un 12 mèche de robe, la sahbi. Parce que pour lui, on est bon qu'à ça, remplir les prisons comme nos casières. Et le juge nous condamnera pour un 12 mèche de robe, la sahbi. Parce que pour lui, on est bon qu'à ça, remplir les prisons comme nos casières. Oh baby, remplir les prisons comme nos casiers. Oh baby, remplir les prisons. Ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya. BDP pas le charron, t'as toi te pigeonne. Même si tu racontes que des mythos, comme à la télévision. Dans le fond du bloc, mais Harvey Ménégo, Garonne Marie-Jeanne. Ma gamion c'est un parabellum, elle est plus violente. BDP pas le charron, te pigeonne. Même si tu racontes que des mythos, comme à la télévision. Dans le fond du bloc, mais Harvey Ménégo.